La goutte amère par Horace von Hoffel. Mortsel était un doux village entouré de jardins. Comme c'était à un pas du fort X, dans la zone des servitudes militaires, il y avait un grand nombre de maisons fragiles en bois. Mais la demeure du capitaine London était en briques et haute de 2 étages. On la reconnaissait de loin à son toit français surmonté de girouettes et à la belle fenêtre vénitienne du salon où l'on voyait la statuette d'un petit matelot de bronze. Pendant 50 ans, le capitaine London avait vécu debout dans la tempête, tenant la barre de sa barque aventureuse. Le capitaine était mon voisin. Par-dessus la haie de mon domaine, je l'apercevais arrosant ses plates-bandes ou taillant ses rosiers. Nous habitions si près de l'église que nous entendions le dimanche chanter les orgues de la grand-messe. C'était très doux, tellement doux qu'il nous arrivait de rester immobiles et de nous regarder en souriant sans rien dire. London était très vieux. Lorsque je m'étonnais de son bel âge, il me répondait « Je suis une vieille baleine, goudronnée et salée à l'intérieur. Puis la mort m'a oublié. Je lui ai si souvent glissé entre les doigts. » Avec son vaste front découvert, couronné de cheveux ébouriffés, sa barbe hérissée, le capitaine faisait penser à un de ces arbres tordus poussés dans le vent et qui semblent porter, même en temps calme, un ouragan dans leurs branches échevelées. Un jour, il m'invita à venir prendre l'apéritif avec lui à l'auberge de la Vache-Pie. Il demanda 2 verres d'Alsambiter, une liqueur infernale, moitié fiel, moitié vitriol. « Ça gratte, » fis-je en faisant la grimace. « J'en ai bu d'autres, » railla London. Nous devînmes bons amis. Il m'apprit à fumer la pipe, à jouer aux cartes et à faire des nœuds de marin. Il me raconta ses voyages. C'était un homme de mer de l'ancien temps. Du temps des voiliers fous aux ailes vertigineuses, rasant la vague ondoyante comme des hirondelles. Il avait vu les Indes, les îles de corail d'Océanie, où sont les anthropophages, les côtes inexplorées d'Afrique, les pôles et l'Amérique. « J'ai quitté mon patron, narrait-il, quand il a voulu me donner un steamer. Suis-je un homme pour commander un paquebot? Une grande, lourde boîte de fer qui coule au moindre choc? Pour naviguer d'Anvers à New York, à Calcutta, à Hong Kong ou à Valparaiso, avec un billet aller-retour. Autant eût valu me faire conducteur d'omnibus. Non. Mais parlez-moi d'un trois-mâts à barque ayant les trabardis. Tout chante là-dedans, et les voiles, et les cordages, les hunes, les perroquets, les cacatois, les perroquets de fougue, les phoques et les clinphoques, les écoutes, les amures, les haubans et les galobans. Rien qu'à prononcer ces noms, il me semble que j'y suis encore. Je pense aux moussons, aux tornades, aux cyclones. J'entends la rafale soudaine secouer toute une forêt remplie d'oiseaux. C'était la belle époque. Nous ne suivions pas, alors, de route tracée à l'avance. Nous étions un peu explorateurs, un peu trafiquants, un peu contrebandiers, voire un peu pirates. Et dans les contrées neuves, le commerce était profitable. Chez les nègres, nous échangeions des perles de verre contre de l'ivoire et de la poudre d'or. À Java, nous avions du thé, du riz et de l'opium pour des étoffes. Dans le Labrador, des fourrures pour des couteaux. Aux Indes, des cachemires, du safran, des rubis et des plumes pour les cotonnades. En Amérique, du cacao et du tabac pour du fer. Vous n'avez pas idée de cela. Le monde entier nous appartenait. Quel est, lui demandai-je, le plus beau pays de la terre? Celui où on est né, murmura-t-il. Je ne donnerai pas une rose de mon jardin pour tous les trésors de l'Orient et de l'Eldorado réunis. Quand vint la guerre, j'allais voir London avant de partir pour l'armée. Adieu, capitaine, il faudra veiller au grain, ça va être dur à avaler. J'en ai bu d'autres, dit-il encore. 2 mois après, je m'évadai d'Anvers où j'étais resté caché. Avant de prendre l'approche-main de l'exil, je voulus revoir notre village. J'arrivai à Mortsel à la tombée du soir. Le funèbre pavillon de Prusse flottait sur le réduit bombardé du fort X. De Mortsel, il ne restait plus qu'un amas de pierres et de poutres calcinées. La maison de London avait brûlé jusqu'au ras du sol. Les habitants étaient dispersés. Pourtant, tout près des ruines de l'auberge de la Vache-Pie, je rencontrai une bonne femme qui m'a reconnu. Qu'est devenu le capitaine? Il n'a pas voulu partir, monsieur. Alors on l'a retrouvé tout près de sa demeure, debout et roide, face à l'incendie. Il était mort. Comme il n'y avait plus de bois, on l'a mis en terre sans cercueil et sur sa tombe, on a planté la grande croix de l'église. Pauvre capitaine. 8 jours auparavant, il était encore ici, buvant sa goutte amère. Nous en boirons d'autres, répondis-je.